Yeah, yeah. Hey. Yeah. Yeah. Gros dans ma tête, c'est le bazar. Parano, je peux pas fumer la zaza. Il me faut le bonheur à sap, mais y'a pas ça, je me sens comme Goul Razal. Y'a des photos de tâches mec partout sur net, non vraiment c'est quoi ça? J'ai des connaissances qu'ils n'ont pas, comme si je travaille à la NASA. Pas des ennemis, si je sais pas qui sont, pas d'habitude que des addictions. Mon ref, tu peux me dire ce que tu veux, sans agissement c'est que de la fiction. Sans froid, reptile, l'approche piétine, c'est toujours les mêmes dans la A-team. L'esprit en peine, c'est dans la rétine, elle est non binaire, pardon plaît-il. C'est noir, y'a tout le monde autour, mais je me sens tellement seul sa mère. Dans mon cœur de la pierre, je repense à son visage après 2-3 verres. Ma vie c'est comme un film, sauf qu'à la fin y'aura pas d'Abien. Je sais déjà que c'est compromis, comme si je parlais la langue des aliens. Et la vérité ça coûte cher, demande à Gnutron. Et la personne que tu deviens, c'est la somme de ceux qui t'entourent. J'écoute un air de centour, whisky vient d'Édimbourg. Y'a comme une bête qui approche, j'entends le corps et j'entends les tambours. J'ai tellement réfléchi que j'en ai oublié de vivre. Vodka pour oublier le vide, gros tu capes tout le temps, faut oublier le feed. Beaucoup de soucis, on va se comporter comme si tout va. Je comprends pas, j'ai croisé des hommes, mais pourtant c'était des courvas. Bitch, t'as pas idée, le cerveau habité, je peux plus aimer depuis qu'elle m'a quitté. Donc à chanter ma peine comme Johnny Hallyday. J'ai vécu plusieurs vies dans une seule, j'ai vu le dernier étage et le sous-sol. J'ai compris certaines choses un peu tard, comme faut pas le montrer quand t'es sensible. Très mal élevé, je paie l'addition, cours après l'oseille comme hérisson. Remballe tes trucs de PlayStation et viens me dribbler dans de bonnes conditions. Le présent, je comprends pas, je suis coincé entre attentes et souvenirs. Ils m'ont critiqué quand j'étais au fond, ça leur plaît pas non plus de me voir sourire.